Bonjour, ici Valérie Levé et Samuel Lauzon et au micro de CKRL 89.1 et c'est l'heure de faire une incursion dans le monde de la science avec Futur Simple. Aujourd'hui, au menu, on va parler de vers de terre et d'oiseaux rares, un curieux mélange. Alors, les vers de terre en question, ce sont ceux utilisés pour la pêche et qui sont laissés sur place, en forêt. Cela transforme quelque peu la biodiversité et ce sera le sujet à 18h30 de Samuel Lauzon qui recevra Jean-David Moore, chercheur à la direction de la recherche forestière du ministère des Ressources naturelles et des forêts du Québec. Et pour le moment, eh bien, on va aller à la découverte des oiseaux rares. Les migrations d'automne sont en effet l'occasion de faire des observations inusitées et les ornithologues sont à l'affût derrière leur longue vue. Alors pourquoi l'automne est propice à l'observation d'oiseaux rares et quels oiseaux sont observés? On en parle avec André Desrochers, professeur d'écologie, de conservation et de modélisation statistique à l'Université Laval. André, bonjour. Bonjour. Alors, André, on voit effectivement des oiseaux rares à l'automne. Est-ce qu'on en voit plus à l'automne qu'aux autres moments de l'année ou est-ce que c'est à cause des migrations? Je dirais que oui, surtout à ce temps-ci, le temps de l'Halloween, le temps où tout devient sombre et un peu plus moche comme aujourd'hui, là. C'est une période clé là, pour les oiseaux très rares, les rarissimes, hein, ouais. Parce qu'on pourra revenir là-dessus, mais il y a différents degrés de gris ouais. là-dedans, là. Mais oui, donc réponse courte, l'automne c'est très propice pour voir les oiseaux rares, mais c'est pas la seule saison, il y en a, c'est possible d'en voir à chaque moment de l'année. Mais c'est à cause de la migration ou c'est parce que, je sais pas, changement de temps, de météo? Ben, un peu tout ça, il y a certainement les phénomènes météo, on peut même prédire d'une certaine manière, quand on parle de l'été des Indiens, la période de redoux là, qu'on a vécu par exemple la semaine passée. Ça, c'est inévitable. On se retrouve avec des oiseaux rares ici et là dans la province qui semblent être donc poussés un peu par des systèmes météo. Il y a ça. Ah. Il y a la longueur de la journée qui est raccourcie qui doit affecter aussi le comportement de plusieurs oiseaux. Puis, c'est pas vraiment de la migration, plutôt de la dispersion. Hein. C'est des oiseaux qui se dispersent, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un but... Ils n'ont pas forcément un but précis, une forme d'exploration ou carrément des oiseaux perdus. D'accord. Alors, effectivement, il y a plusieurs nuances dans les oiseaux rares et on voit effectivement il y a une page, en fait, des observations d'oiseaux rares sur le site de Québec Oiseaux. Il y a différentes catégories, les inusités, les exceptionnels, les rares. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout ça? Oui. Oui, donc, encore une fois, il y a différents niveaux là-dedans. La page des oiseaux rares du Québec, c'est possiblement, en tout cas, ça l'était, je crois, dernièrement, le site ornithologique le plus fréquenté sur Internet par les ornithologues du Québec, là. Donc, pour des raisons évidentes, les gens veulent pas manquer la rareté qui se pointe dans leur cour ou près de chez eux, dans leur cour au sens figuré du terme, mais des fois au sens aussi précis du terme. Alors, ça, c'est un site donc où on classe il y a des degrés de couleur, comme tu as probablement remarqué. Rouge indique les oiseaux rarissimes, c'est-à-dire des espèces soit qu'on n'a jamais vues au Québec auparavant ou qu'on a vu juste une couple de fois... précédemment. Comme il y a eu une spatule rosée cet été là qui s'est pointée, en fait une deuxième, puis ensuite une troisième. C'était des oiseaux qui étaient presque complètement inconnus pour la province autrefois. Par contre, il y a des raretés moins rares, c'est-à-dire des oiseaux qu'on voit presque à chaque année dans la province, mais qui vont souvent attirer quand même les ornithologues. Et là, il y a les oiseaux hors saison aussi. Là, l'hiver qui arrive, il y a des espèces des fois qui traînent, qui sont plus supposées être ici du tout, mais qui sont encore là. Ah ouais. Okay. Donc, tout ça, c'est des raretés, évidemment, de différentes sortes. Est-ce que c'en est parfois, vous parliez un petit peu de dispersion, donc, par exemple, des forêts qui habitent habituellement les forêts, là, pendant l'hiver, elles vont peut-être trouver que la forêt, il n'y a pas tout à fait ce qu'il leur faut pour manger ou autre, elles vont se disperser un peu plus, on va les voir donc davantage à l'orée des villes ou dans d'autres types d'habitats, et donc, parfois, on va les voir alors qu'on n'aurait pas dû les voir parce qu'ils sont cachés en forêt. Oui, ben là tu m'ouvres la porte à un autre sujet. On pourra en passer une demi-heure là-dessus, mais l'habitat des oiseaux est souvent très différent l'hiver. Les oiseaux migrateurs, c'est clair que s'ils vont au Costa Rica, tu vas dire l'habitat est différent, bien sûr. Mais Il y a aussi un niveau de différence, je dirais, qualitatif, c'est-à-dire qu'il y a des oiseaux qui vivent en forêt ici, par exemple, dans nos forêts boréales l'été, qui vont se retrouver l'hiver dans des champs, ou même des champs de canne à sucre, par exemple, des places comme ça, là, qui ont rien à voir avec une forêt, là. Alors, donc, l'habitat change aussi. Mais de manière générale, par contre, les oiseaux vont effectivement fréquenter des habitats prévisibles, même lorsqu'ils sont très, très loin de chez eux. Alors, par exemple, des oiseaux du désert de l'Arizona qui se retrouvent ici vont souvent se retrouver dans des endroits un peu dénudés, etc. Est-ce que ça arrive, ça, qu'il y ait des oiseaux de l'Arizona qui viennent se perdre ici? Oui, ben d'ailleurs, j'ai eu la chance de voir avec des étudiants cet été un oiseau qui s'appelle le moucherol à ventre roux. Qui est fréquent dans les milieux arides de l'ouest de l'Amérique du Nord, sud-ouest, mais aussi un petit peu jusqu'à la frontière canadienne. Puis bref, tu vois, lui, on ne l'a pas vu. Par contre, on l'a vu en pleine forêt boréale. Fait que lui, il était perdu, mais Il dans tous était les sens du ah oui, mot, là. Il perdu, n'était ouais. même pas dans son habitat, en plus de ne pas être dans sa région. Mais souvent, c'est un oiseau qu'on va voir, par contre, dans des milieux ouverts, qui ne rappellera pas forcément le désert, Des mais pas en forêt. friches, par Voir des exemple, friches, ouais. des endroits comme ça, là. Est-ce que ça arrive qu'il y ait des oiseaux? Parce que, en fait, lui, est-ce qu'il était, il était pas sur sa route migratoire non plus? Qu'est-ce qu'il est venu se perdre par ici, là? Je me disais, peut-être c'est des oiseaux qui sont en migration et puis qui s'écartent de leur route migratoire. Il y Est-ce a que c'est... ça, mais lui, c'est un oiseau qui peut se retrouver, je crois, à l'année longue dans le sud-ouest américain, puis il doit en avoir qui migrent au Mexique, j'imagine, je ne suis pas trop au courant. Mais il n'était pas sur sa route, ou même pas proche de sa route migratoire, là. Non. Il est parti, c'est un oiseau qui aurait dû normalement partir vers le sud ou le sud-est, mais il est parti vers le nord-est, puis il a fait 4 000 km de trop, là. Il s'est fait emporter par, je sais pas, un courant aérien, un vent, quelque chose Ben comme oui, puis ça. on a eu toutes sortes de méga systèmes cette année, hein, au niveau météo, là, fait que ça a brassé beaucoup les oiseaux. C'est comme les ouragans, d'ailleurs, qui vont souvent littéralement brasser les oiseaux de haute mer, les oiseaux pélagiques, qui vont souvent se retrouver dans des endroits mais complètement farfelus. Alors, il y a tout ça, là. Mais il y a une distinction importante à faire aussi entre l'oiseau qui est perdu puis l'oiseau qui est en mode exploratoire, parce que on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces petits oiseaux-là, mais il y a des innovateurs, hein, dans une population. Il y en a chez les humains, il y en a aussi chez les animaux en général. Mon collègue de McGill, Louis Lefebvre, a fait beaucoup de recherches là-dessus. Puis il y a possiblement de ces oiseaux-là qui ne sont pas littéralement perdus, mais qui sont en train d'exercer une stratégie d'exploration. Du coup, ça devient intéressant de voir quel serait l'intérêt, parce que des gens pourraient dire, ben, ces oiseaux-là, c'est des cul-de-sac évolutifs, c'est des oiseaux Bah, pas qui vont finir nulle part, ils forcément. vont mourir, puis bon, voilà. Mais non, peut-être que c'est les premiers pionniers d'une nouvelle vague d'une génétique, si on veut, dans l'espèce qui va les amener ailleurs. Et on peut s'imaginer, avec les changements environnementaux, que ce genre d'oiseau-là va être avantagé, justement, par les changements. Si une espèce contient des pionniers, elle va être beaucoup plus mieux équipée, si on veut, à réagir aux changements environnementaux qu'une espèce qui serait un monolithe. Qui serait inféodé toujours à exactement la même Voilà. trajectoire et se retrouver exactement au même milieu, au même endroit, mais malheureusement, cet endroit, les conditions de ces endroits ont changé à cause des Oui, changements ben environnementaux, voilà. etc. Puis, bah, l'espèce en pâtit. Mais s'il y a quelques individus qui sont capables de changer un petit peu de ce comportement, puis d'aller ailleurs, peut-être par erreur, mais ça va peut-être une bonne chance pour eux Oui, exactement. Puis je reviens sur mon Ouais. collègue Louis, que j'admire beaucoup, Louis Lefebvre, qui a publié avec un collègue européen une recherche qui montre en fait que les tendances des populations des oiseaux innovants sont beaucoup plus favorables que les tendances des populations des oiseaux non innovants. Donc, il semble y avoir effectivement un appui, si on veut, empirique au niveau des données là, de cette idée-là, de cette thèse-là, que les oiseaux innovants, les espèces innovantes seraient plus favorisés. Donc, il y en a de temps en temps qui s'écartent de la voie migratoire habituelle et qu'on va retrouver complètement ailleurs. Ça Oui, arrive. puis écoute, moi je suis modélisateur et tout ça, les choses sérieuses, mais une bonne partie de moi est aussi un ornithologue avide, comme on dit, qui regarde son cellulaire pour voir s'il n'y a pas une alerte d'oiseaux rares. Puis si je peux, je vais être parmi ceux qui vont souvent accourir pour aller voir une espèce rare. Mais évidemment, le plus grand plaisir, c'est non pas d'aller voir l'espèce rare que quelqu'un d'autre a trouvée, mais bien de la trouver soi-même. Distinction importante. Pourquoi? Ben, c'est le sens de la découverte. Je vais te donner un exemple. Si t'étais, mettons que tu es une fan de Elton John, tu vas à un spectacle de Elton John, tu vas payer, puis tu vas voir Elton John, tu vas avoir du plaisir et tout ça. Mais c'est pas du même ordre que si tu croises Elton John à l'aéroport, par exemple. Ah. Comme j'ai vu une vidéo justement parlant d'Elton John où il jouait du piano dans un aéroport en Europe, oui. Là, puis il y avait un petit cortège de gens autour. Tu imagines l'impact que ça a eu sur ces gens-là qui. Certainement. Donc le côté fortuit, le côté découverte. OK. Je veux dire, c'est le rêve de tous les ornithologues de trouver. Plutôt que simplement voir là, un oiseau rare. Effectivement. Donc là, est-ce que ça peut arriver même que des oiseaux se fourvoient un petit peu dans leur route migratoire, mais au point de se tromper de continent carrément? Oui. Là, c'est vraiment... Ils se trompent complètement. Ou alors peut-être qu'ils sont emportés par les vents, je ne sais pas, par le courant jet, je ne sais pas. Ben absolument. D'ailleurs... Fait un peu cocasse. Moi, je suis adepte des réseaux sociaux. Depuis quelques années, je suis Twitter. Puis Twitter m'a lancé récemment avec ces fameux algorithmes dont on ne connaît pas toujours les détails. Me poster, si on veut, sur mon fil d'événements, un événement d'une paruline couronnée, qui est un oiseau de nos érablières ici, là, qui s'est retrouvé en Roumanie. En Roumanie? Oui. Alors là, cet oiseau-là, il a traversé l'Atlantique, en tout cas, j'imagine. Il s'est passé par l'autre côté, c'est encore pire, mais... il a traversé l'Europe continentale pour se retrouver, donc, en Roumanie. Il a été capturé par des observateurs dans un observatoire, je crois. Mais on disait, c'est un des cas les plus débiles, si on veut, d'oiseaux perdus. Pour un petit oiseau de forêt comme ça, qui n'est pas... qui n'est pas une machine, en tout cas, c'est pas l'image qu'on se fait d'un oiseau capable de faire des milliers de kilomètres quand on voit ce petit oiseau brun-là. Mais par contre, il y a des oiseaux comme les albatros, tu sais, qui peuvent parcourir plusieurs centaines de kilomètres régulièrement par jour là, dans leur déplacement d'alimentation. Puis on s'imagine qu'un albatros à quelques milliers de kilomètres de son lieu habituel. Bon, c'est possible, c'est pas très surprenant. Les petits oiseaux, ça, c'est autre chose. Ah ouais. Puis là, on peut se demander qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces petits oiseaux, parce que là, il n'a pas dû trouver beaucoup de compagnes ou de compagnons pour se reproduire. Non, non ben sans doute qu'il y a des oiseaux, ces oiseaux-là, bon, il y a des insectes quand même en Roumanie, tout ça, il y a des forêts de feuillus, il y a probablement même des érables, bon, tout ça, mais d'une autre espèce. Alors, on peut s'imaginer que plusieurs de ces oiseaux-là vont vivre leurs années en paix, mais ils vont juste être très, très seuls. Hein? Ben, c'est ça. La solitude. C'est ça. Ça ne va pas perpétuer l'espèce. Non, c'est ça. Puis c'est on voit souvent ces oiseaux-là qui sont tout à fait fringants. J'avais une paruline de Townsend, littéralement, chez moi, ces derniers jours sur la côte nord. Puis elle était tout à fait fringante, un oiseau qui vit dans les rocheuses normalement. Là. Puis là, avec les froids qu'on a eus ces derniers jours, là, l'oiseau, je me suis dit, bon, il va mourir s'il n'est pas déjà mort. Mais je l'ai revu, puis tu vois, il se promenait, il faisait ses vocalisations, tout ça. Ah ouais. Donc, la plupart semblent se tenir d'affaire. Mais des fois, on les voit les ailes pendantes, le plumage un peu fripé, puis on s'imagine qu'ils n'en ont pas pour longtemps. Mais quand il y a des oiseaux rares comme ça qui sont observés, bon, c'est sûr, on préfère le découvrir soi-même, un peu par inadvertance, par chance. Mais il n'empêche que quand il y a des oiseaux rares qui sont observés, c'est affiché, par exemple, sur le site de Québec Oiseau. Puis là, ça va attirer d'autres personnes qui veulent en profiter pour voir cet oiseau que eux non plus n'ont jamais vu. Est-ce que ça attire beaucoup de monde? Est-ce que c'est problématique? Ça peut devenir, ça le devient parfois, surtout si c'est sur une propriété privée, bien sûr. Si c'est au bord du fleuve, sur un quai, il n'y a pas trop de problème. Au Québec, l'ornithologie, comme tu sais, est devenue une des activités de plein air les plus populaires. Oui. Je crois que c'est celle qui est la plus en hausse. D'ailleurs, en Amérique du Nord, elle a même devancé le golf. Ah oui? C'est vraiment en bas des records. Puis, donc ça pose problème. On est victime un peu de notre succès. Puis on se rapproche un peu de c'est presque une pathologie, l'ornithologie en Angleterre, qui est, je dirais, le lieu de naissance de l'ornithologie amateur, comme on se la conçoit. Là. Et je te parlais tantôt, avant l'émission, d'une espèce rare qui avait attiré au-dessus de 50 000 ornithologues. 50 000 personnes pour venir voir le petit oiseau. Voilà. Ouais. Et c'était les conditions parfaites, c'était au mois de février, donc une saison plutôt tranquille, les gens n'avaient pas grand-chose à faire, puis c'était en banlieue de Londres, alors un bon bassin de population et tout ça. Donc, tout ça était propice. Nous, on n'a pas eu de cas qui s'approchent de ça, mais on a des oiseaux qui vont attirer des dizaines, voire des centaines d'ornithologues parfois là, ici. Puis, on a un code d'éthique quand même, les ornithologues, du moins les instances ornithologiques comme le Regroupement Québec Oiseaux et les clubs, recommande et le répète ad nauseam aux ornithologues de ne pas aller sur une propriété, de ne pas diriger leur télescope vers une fenêtre d'une maison privée, des choses comme ça. C'est gênant. Chose de base, oui. Donc, des fois, les gens ne respectent pas, c'est comme dans tout, mais de manière générale, je pense que les ornithologues ont un bon code de conduite. Là. Puis, mais c'est ça. Donc, ça pose quand même un problème, effectivement, parfois. Là. Mais quand il y a un oiseau rare comme ça qui va observer, en fait, est-ce que les chances, les probabilités de l'observer, que d'autres arrivent, que d'autres personnes arrivent et puis que l'oiseau soit encore là, est-ce que les probabilités sont bonnes ou finalement, ben, l'oiseau, il vit sa vie, lui, il n'attend pas que les gens viennent le voir? Ben, c'est le problème, puis en même temps, c'est l'attrait de la chose. Parce que si quelqu'un trouve une espèce de végétal rare, ben, il n'y a pas trop de soucis. Hein? On sait pas mal, ça va être un peu un anticlimax là, d'aller voir l'espèce rare de végétal. Mais les oiseaux, ben, ça fait partie du jeu, entre guillemets. Hein? On part... en automobile ou en vélo, etc., on s'en va dans une autre région. Il y a des gens qui sont maniaques. Là. Il y a des ornithologues au Québec qui vont partir de Montréal pour aller en Gaspésie, aller-retour pour voir un oiseau. Bon. On pourrait parler des gaz à effet de serre, tout ça. Là. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais n'empêche que c'est un phénomène. Puis évidemment, les personnes qui font ça sont très conscientes qu'ils pourraient manquer leur coup. Là. Là, puis l'oiseau vient de partir. Moi, à l'époque, je ne le fais plus maintenant, mais je parcourais le sud du Québec là, avec des amis. On paquetait une petite voiture, puis on se partageait les frais d'essence, puis on allait voir un truc à 600 km. Ah ouais. Puis on arrivait, puis là, hop, le truc n'est pas là. C'est que même quand il est là, en plus, même quand l'oiseau est là, ben, il peut être en train de... On ne sait pas dans quelle broussaille il est non plus. Hein. Il n'est pas forcément là dans l'arbre devant nous. Il n'est pas forcément exactement là où il a été observé. Ouais. Donc, ben, écoute, on avait à un moment donné, il y avait un oiseau qui s'appelle le traquet moteux. Donc déjà, le nom est assez comique, le traquet moteux, petit oiseau. Quelqu'un nous dit, il y a un traquet moteux à Sainte-Anne-des-Monts. C'est pas plutôt européen, ça, le traquet moteux? Oui, tout à fait. Il était à Sainte-Anne-des-Monts, l'oiseau, là. Puis à l'époque, on en voit plus souvent, mais en tout cas. Il était à Sainte-Anne-des-Monts, on est monté quelques personnes dans une petite automobile bien paquetée, puis on est allé à Sainte-Anne-des-Monts, de Québec, aller voir l'oiseau. On nous avait dit, il se tient derrière un garage jaune au bord du fleuve. Bon, très bien. Puis on arrive là-bas, puis on voit le garage jaune à Sainte-Anne-des-Monts, on regarde derrière, pas de traquet moteux. Le problème, c'est qu'on réalise qu'il y avait un garage sur deux étages jaunes. Donc, il manquait de détails. Il y a une chose que les ornithologues ont appris, c'est d'être très précis dans leur description d'un endroit. Maintenant, on met les coordonnées GPS? Exactement. Ah ouais? Alors, écoute, on a fait le tour des garages jaunes, on a fini par le trouver, puis on était bien contents. Mais maintenant, on a des points GPS, puis autrefois, écoute, c'était du bouche à oreille, hein, les oiseaux rares, on le savait souvent une semaine trop tard. Maintenant... entre-temps, il y avait une ligne téléphonique autrefois dans les années 80 où on téléphonait, puis on avait une espèce de bande enregistrée de messages, les nouvelles, les manchettes de la journée, genre. Après ça, il y a eu eBird, comme tu dis, puis il y a la page des oiseaux rares, mais n'empêche qu'il y a un délai, là. Quand tu vois un oiseau, t'envoies ta photo, etc., ça sort le lendemain, souvent. Maintenant, on utilise Discord, qui est une application de gamers, les gens qui font des jeux vidéo, là. En tout cas, ça semble être beaucoup de ces gens-là qui utilisent cette appli-là. Moi, je connaissais pas, mais depuis plusieurs mois maintenant, j'utilise ça. Et ça pop, comme on dit en bon québécois, sur notre cellulaire immédiatement. Quelqu'un voit un oiseau, il mentionne sur Discord, puis on peut s'abonner à des salons régionaux de discussion. C'est vraiment un truc assez élaboré, là. Et donc, on se partage nos alertes comme ça. Donc, c'est vraiment immédiat. Est-ce qu'il faut nécessairement aller loin pour voir des oiseaux rares ou finalement, est-ce qu'on peut en voir? Est-ce qu'on en voit des fois à Québec? On n'a pas besoin du tout d'aller loin. Donc souvent, dans sa cour, si on a un peu de végétaux, une mangeoire, on risque d'avoir des choses. Mais je dirais qu'au Québec, le corridor du fleuve Saint-Laurent est vraiment comme le haut lieu des raretés. Les raretés semblent suivre de différentes manières là, le Saint-Laurent. Et les habitats qui sont inclus là-dedans. C'est souvent ce que vous dites, hein, que c'est un bon endroit pour aller voir des oiseaux, finalement, c'est sur les bâtures de Beauport, les ex-bâtures de Beauport, ou le long du fleuve. Oui, c'est ça. Si tu t'installes au parc Frontenac, là, dans la région, c'est le centre du Québec, ça? Oui. Bon, t'as pas grand-chance. Ouais. T'es un peu dans le milieu de nulle part, là. Ouais. Ça peut arriver aussi, tout est possible. Ouais. Par contre, si tu t'installes au Cap-Tourmente ou à Pointe-des-Monts, plus à l'est, Ben là, les chances sont de ton côté, là. Ah, parce que les oiseaux vont suivre éventuellement. C'est les fleuves, ces grands fleuves, c'est comme des grands signaux, des éléments géographiques que les oiseaux suivent. Donc, on a peut-être plus de chances de les voir. Oui, oui. Comme Tadoussac, hein, qui est connu pour les baleines, est connu aussi pour les oiseaux rares parce que c'est le coin Saguenay-Saint-Laurent. Hein. Ah oui, en plus, ouais, c'est ça. Alors, les oiseaux qui longent la côte nord de l'estuaire, ils arrivent au Saguenay. Là. Mm-hmm. Mais là, ça donne que le Saguenay, bon, c'est pas toujours évident à traverser pour un petit oiseau qui peut être fatigué. Mm-hmm. Il va prendre une petite pause avant de traverser. Mm-hmm. Du coup, il va augmenter les chances d'être observé. Puis en même temps, le village de Tadoussac, il y a plein de végétaux, là, de buissons, puis il y a plein d'ornithologues en plus. Fait que c'est les conditions parfaites là, pour trouver des raretés. Mm-hmm. Est-ce que c'est toujours nous donner des exemples à des parulines ou des petits passereaux, mais j'imagine que les oiseaux rares, c'est aussi des fois des oiseaux aquatiques, des canards ou peut-être même des, je ne sais pas s'il y a aussi des rapaces. Oui, ben il y avait l'aigle, le pigargue empereur ou l'aigle de Stellaire, il y a plusieurs noms là. C'est un truc qui niche en fait en Sibérie, ben en fait sur la côte pacifique là, Vladivostok et compagnie là, Kamtchatka. Ouais. Puis qui passe l'hiver au large du Japon, Hokkaido, dans ces coins-là. Alors on est très loin du Québec là, mais il y a un oiseau de cette espèce-là qui s'est perdu en Amérique du Nord. Il a été observé, c'est dur à manquer cet oiseau-là. Il était observé sur la côte ouest, puis ensuite, je crois qu'il a été vu au Texas. Puis finalement, il a été découvert dans le coin du Nouveau-Brunswick. Puis depuis, ça fait déjà 2-3 ans, là, il traîne dans ce coin-là. Il va à Terre-Neuve, puis il descend sur la côte du nord-est des États-Unis. Donc ça, c'est un pigargue là, qui va probablement finir ses jours dans notre région. Puis on espère toujours à chaque automne qu'il va bifurquer plutôt vers le Saint-Laurent pour venir nous voir à Québec, là, plutôt que d'aller voir les Américains, mais bon. À suivre. Ben, je me demandais justement s'il y avait une récurrence, si on sait qu'à tel endroit, bon, on a certaines probabilités de voir des oiseaux rares, mais aussi si on a certaines probabilités de voir une espèce en particulier. Est-ce qu'il y a, par exemple, à un endroit donné, l'année dernière, à telle date, on a vu telle espèce et où on peut s'attendre la même date à revoir telle espèce? Est-ce que c'est quelque chose qui se peut? Oui, il y a des choses assez prévisibles. Il y a des endroits où on s'attend de voir certaines espèces particulières là, plus qu'une fois, plusieurs fois plutôt qu'une. Mm-hmm. Mais on parle des raretés ici, je dirais des semi-raretés, des choses qu'on voit presque à chaque année, là, comme les traquets justement. Les traquets moiteux, le petit oiseau qui niche dans l'Arctique, hein, aussi en Europe. Là. Quand il se pointe ici, cet oiseau-là, il est presque toujours là, sur les abords du fleuve Saint-Laurent, dans des places rocheuses comme les quais, les aménagements humains, là, si on veut, là, près de l'eau. Des grosses roches là, au bord du fleuve au début du mois de septembre, c'est très propice. Donc c'est rare, mais c'est pas exceptionnel. C'est pas une espèce qu'on n'a jamais vue. Il y a une certaine récurrence, une certaine probabilité de l'observer à certains moments de l'année, à certains endroits. Oui. Ben, tu sais, il y a le terme en anglais, le black swan, hein, qui réfère pas juste aux oiseaux, le cygne noir, qui réfère à tout événement, mais hyper improbable. Là. Et justement, il y a des oiseaux comme ça que jamais on aurait pensé que ça se serait produit. Il s'est vu un oiseau qui s'appelle le moucherolle gris récemment au Québec. Personne n'avait anticipé de voir ça, là, mais ça s'est pointé. Puis pire mieux encore, il y avait quelques années un truc d'Amérique du Sud, un petit oiseau vert là, d'Amérique du Sud, un Elenia, qui s'est vu encore une fois sur la côte nord. Personne n'aurait prévu que cet oiseau-là se pointerait ici un jour. Oui, ça doit être assez bizarre. Là, on ne doit pas en croire ses yeux quand on voit ça. Non, il y a des ornithologues assez émotifs là, qui vont presque tomber à terre, là, littéralement. Certainement, oui. Là, on parle un peu des ornithologues, je dis amateurs, mais en fait, c'est des gens qui connaissent beaucoup les oiseaux. Donc, ils sont amateurs, mais dans leur genre, ils sont quand même assez professionnels, je pense. Donc, il y a toutes ces observations, mais qui sont pour le plaisir de tout un chacun qui aime les oiseaux, qui a l'observation des oiseaux comme passe-temps. Mais je me demande, est-ce que ces observations d'oiseaux rares, inusités, exceptionnels, est-ce que ça a aussi un intérêt pour la science en tant que telle, dans la connaissance des oiseaux? Bien, on parlait tout à l'heure de l'innovation puis du maintien des populations. Oui. Il y a cet aspect-là, évidemment. Le phénomène de la rareté, pas de la rareté, mais le phénomène de ces oiseaux-là qui se retrouvent loin, il est très peu connu. Et bien sûr, on est en train de produire énormément de données. Par exemple, il y a des espèces qui ont une propension à se perdre, d'autres qui n'ont pas du tout cette propension-là. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Ça, ouais. C'est ça. Puis le solitaire de Townsend, la grive à collier, qui sont des oiseaux de l'Ouest là, ils vont se perdre régulièrement, ces oiseaux-là, tandis qu'il y a d'autres espèces comme le merle bleu de l'Ouest là, ou de en tout cas, je ne me souviens pas du nom exact en français. Le merle bleu de l'Ouest, on va l'appeler comme ça, qui ne se perd pas du tout, lui. Mm-hmm. Par contre, il y a le merle bleu azuré, qui est aussi de l'Ouest, mais lui, il se perd tout le temps. Mm-hmm. Alors là, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi certaines espèces, entre guillemets, se perdent et d'autres pas. Là. Donc, il y a ça. Puis, mais voilà, je vous dirais que le phénomène, il est très peu connu. Moi, j'aimerais ça trouver une manière d'opérationnaliser ça, dans le fond, de rendre ça étudiable, ce phénomène-là. Mm-hmm. C'est pas évident. C'est le fait que certains oiseaux ont plus de propension à se perdre que d'autres. Ouais. Puis tout ce qui vient avec, justement, avec la rareté. Moi, mon rêve, ça serait de mettre des balises satellites sur ces oiseaux-là pour voir qu'est-ce qui arrive avec eux. Ouais. Est-ce qu'ils continuent leur déplacement ou bien ils se pointent à un endroit puis là, ils restent juste là? C'est ça. Est-ce qu'ils vont rester là ou est-ce qu'ils vont se retrouver et finalement retrouver leur gang? Ouais. Mais, tu sais... Les humains, on peut recenser les origines des humains. On juste aborder quelqu'un dans la rue et dire « T'es né à quel endroit? Tu viens d'où? T'étais où il y a un mois? » Bon, on va tout avoir les réponses. Évidemment, on ne peut pas demander ça à un oiseau, mais si on pouvait... Mm-hmm. Et là, il n'y a pas un émetteur, il n'y a pas une balise qui peut répondre à cette question-là. Les balises, ils se projettent dans le futur. Évidemment, on n'a pas une balise qui va marcher de manière rétroactive. Mm-hmm. Si ça existait, ça serait la panacée. Par contre, on se sert de plus en plus d'éléments de génétique. Tu sais que dans le corps des oiseaux, comme dans tout organisme vivant, il y a des isotopes, il y a des variantes d'éléments chimiques qui vont souvent... il va y avoir une espèce de cocktail d'éléments chimiques ou de variantes qui vont nous informer sur le lieu d'origine de l'oiseau. Ah ouais. Donc, le deutérium, les isotopes stables, etc. Bon, je suis pas expert là-dedans, mais je sais qu'on triangule l'origine de plusieurs oiseaux avec ça. Puis en plus, on sait qu'à certaines périodes de l'année, mettons, tel type de plume a poussé, puis que tel autre type de plume a poussé à un autre moment de l'année. Donc, on peut même déterminer il était où, à quel moment de l'année l'oiseau. Ah oui, quand il a fait telle plume ou quand il a fait les autres plumes, où est-ce qu'il était? Oui, puis des choses aussi comme les griffes qui poussent à la naissance de l'oiseau, bon, qui peuvent viser tout ça, là, mais si on trouve des tissus dans l'oiseau qui ont été formés à la naissance, on pourrait même théoriquement déterminer où l'oiseau est né. Donc ça, c'est des avenues de recherche qui vont peut-être se développer dans un avenir prochain. Alors, vous aurez peut-être l'occasion de venir nous en reparler, mais d'ici là, on va vous souhaiter de belles observations d'oiseaux rares. Je pense que vous allez peut-être y retourner prochainement. Sûrement. Alors, merci beaucoup, André. Je rappelle que André Desrochers est professeur d'écologie, de conservation et de modélisation statistique à l'Université Laval.